Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quand les cloches sonnent, il est temps de se retrouver au pied du clocher. Pour une famille de paysans dont la ferme est parfois isolée, le temps de la messe est celui de la rencontre. Pour cela, il faut se préparer, se déplacer, parfois se dépêcher pour être à l'heure. Mais l'église accueille-t-elle réellement la communauté villageoise, du seigneur au garçon de ferme? Le moment de la messe est-il celui de la convivialité, au-delà du moment symbolique de la communion? Et que se passe-t-il après l'office? De la grand-messe aux messes basses, direction le bourg ou le cœur du village, tiens, un joli petit village de l'Ariège. Montaillou, c'est aujourd'hui un village perdu de l'Ariège. Un beau plateau entouré de pâturages et de forêts. 35 habitants, tous du troisième âge. Une localité qui se meurt de jour en jour. Mais le miracle vient de se produire. Montaillou ressuscite, grâce à l'Inquisition. En effet, ici, il y a 6 siècles, un évêque a pourchassé l'hérétique cathare. Il a ausculté une trentaine de suspects, a pris soin de consigner en latin tous ses interrogatoires, et un historien, Emmanuel Leroy-Ladurie, se saisit de ces documents jusqu'alors enfouis au Vatican. Je crois avoir réussi à retrouver tout ce que ces gens pensaient d'une certaine façon, c'est-à-dire leurs intérêts dans la vie, leur maison, leur famille, leurs amours. Ce sont des gens qui aiment passionnément, ce sont des gens très religieux en même temps, qui ont des mœurs très libres, qui ne, leur mariage n'est pas toute leur vie, certes. Mais en même temps, ils croient au salut, ils croient au paradis, ils croient à l'errance des âmes tout autour d'eux, les revenants. Je veux dire, ils ont une conception du monde extrêmement complète. Mais maintenant, on ne peut quand même pas demander aux gens tous leurs secrets, ce serait très indiscret. Et autrefois, on faisait des veillées, maintenant ça ne se fait plus. Dans chaque maison, en principe, il y a la télévision. Et les gens regardent la télévision le soir. Eh ben voilà, les gens regardent la télévision le soir. Nous étions en 1975 quand Emmanuel Leroy-Ladurie présentait son ouvrage Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Bonjour Nicole Berriou. Bonjour. Dans l'évocation que nous venons d'entendre, il y a l'histoire de la veillée. La veillée est évoquée. C'est vrai que les lieux de rencontre dans une communauté villageoise, nous nous plaçons au Moyen-Âge, il n'y a pas tant de moments particuliers où l'on peut se retrouver. Non, l'éveillé certainement, je crois, tous les travaux collectifs du monde rural. Hein. Donc les moissons, les vendanges en particulier, sont des moments de convivialité, puisqu'ils sont toujours assortis de grands repas, et peut-être aussi de fêtes qui se prolongent tard dans la nuit. Je ne sais si au moment du dimanche, il y a l'équivalent, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut réserver cette idée de la fête villageoise à des moments très particuliers de l'année, donc elles sont d'autant plus appréciées qu'elles sont rares. Et qu'elles attirent tout le monde, voilà. Avec ce moment, alors lui même particulier de la messe, bonjour Alain Cabantous. Oui, bonjour. Nous parlons de la messe parce que nous avons notre représentation de la messe du dimanche matin. Faut peut-être un peu complexifier la chose, il n'y a pas qu'une messe dans la vie d'une communauté au Moyen-Âge ou au temps moderne. Oui, alors, il y a une distinction à faire. Il y a probablement, et ça dépend aussi beaucoup des paroisses et des desservants, il y a théoriquement une messe quotidienne qui est célébrée par le prêtre, mais ce n'est pas celle qui rassemble, qui réunit les gens. C'est pas un moment de sociabilité très fort. Et par contre, il y a au moins une messe le dimanche, sinon deux. Alors, il y a la messe basse, ou la messe réservée aux domestiques, aux bergers, qui a lieu à 6h à peu près le matin. Et puis, la messe paroissiale, ou grand-messe, qui a lieu à 9h, 9h30. Et ça, c'est assez intéressant parce que pendant très longtemps, au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle, les horaires sont extrêmement variables d'un dimanche à un autre. Ce qui fait que c'est en fonction soit du bon vouloir du curé, soit en fonction du bon vouloir du Seigneur. Donc une fois c'est 9h, une fois c'est 9h15, une fois c'est 10h. Et à partir de la fin du XVIe siècle, on commence à réguler ce système-là et avec les évêques qui indiquent qu'il faut une messe à telle heure. Et on s'y tient entre la Toussaint et Pâques. Et puis, deuxième horaire, entre Pâques et la Toussaint, là c'est l'été, donc les messes ont lieu plus tôt. Oui, parce que ce sont des histoires de processus que nous évoquons ici. Nicole Berriou, vous êtes professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2, membre senior de l'Institut Universitaire de France et membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Avec ce processus très long et très variable, nous parlons de cette histoire du passé comme d'un tout, mais c'est un territoire très vaste, avec des pratiques très différentes, et on l'entend selon même la volonté du Seigneur. C'est ça. Et on peut dire que, concernant justement cette volonté du Seigneur, à l'époque médiévale, c'est déjà tout à fait patent, au tel point qu'on raconte l'histoire drôle de cette église dans laquelle le Seigneur était attendu. Il devait arriver en retard. Il est arrivé tellement tard en début d'après-midi que la messe n'a pas eu lieu. Donc on savait aussi s'amuser sur ces questions-là. Mais je crois que le point sur lequel on peut peut-être insister d'emblée, c'est que il y a deux choses importantes. Il y a d'abord le fait que la messe est célébrée de manière extrêmement diverse. C'est-à-dire, soit c'est vraiment la messe pour la communauté, celle dont nous parlons, celle qui crée la convivialité visible en quelque sorte, et puis il y a toutes les messes qui sont généralement basses, mais qui sont aussi célébrées souvent sur des autels latéraux dans les églises, et qui sont des messes privées en quelque sorte, qui sont offertes par le prêtre pour le salut des défunts. Et ça, ça a été extrêmement important, il y en a eu vraiment de plus en plus au cours de l'époque médiévale, et ces messes là ne sont pas l'occasion de réunions festives ou pas festives, mais de réunions communautaires. Généralement, d'ailleurs, on voit ça dans les images, on voit un prêtre avec un petit enfant de cœur à côté de lui qui célèbre la messe tout seul, et là, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a différentes manières de célébrer la messe. Et l'autre chose importante qu'on peut peut-être mettre d'emblée en place, c'est que la messe, c'est une réalité typiquement chrétienne. C'est-à-dire que elle commence vraiment à apparaître comme un phénomène que l'on veut de masse à partir du moment où le christianisme devient une religion officielle, donc avec Constantin au IIIe siècle. Constantin qui s'intéresse d'ailleurs surtout à au fait que le dimanche doit être un jour où on ne travaille pas. C'est en se référant aussi à la tradition du sabbat juif, mais surtout à la tradition des fêtes romaines. Mais en même temps, si vous voulez, cette cérémonie typiquement chrétienne qui fait que ce jour où on s'arrête de travailler est aussi un jour où on va dans un lieu de célébration, c'est quelque chose qui est voulu, qui est prescrit, mais qui n'est pas nécessairement réalisé. Et l'historien est en grosse difficulté. Il faut des siècles avant qu'il arrive à percevoir la réalité de ces célébrations communautaires. Je dirais que pendant le premier millénaire, on le subodore, on le suppose, mais on n'en a pas de preuves manifestes. Et il y a un vrai problème qui est de savoir où vont tous ces gens, parce que il n'y a pas simplement, si vous voulez, une église à un endroit donné où l'on peut aller pour la messe, mais pendant très longtemps, il y a eu aussi des messes célébrées dans des chapelles avec des seigneurs qui dominaient le territoire alentour. Et donc, il n'y a pas tout nécessairement, vous voyez, cette approche communautaire, c'est beaucoup plus net quand le tissu villageois se constitue réellement, devient la base même de la vie communautaire dans les campagnes. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de village sans église et sans clocher. Et dans les villes, ce qui est très très curieux, c'est que dans les villes, qui étaient au fond les héritières de la civilisation romaine, il y a d'abord eu une église principale, l'église de l'évêque, dans la cité, dans la ville de l'évêque. Et puis, petit à petit, on a commencé à développer d'autres églises. Et le phénomène fondamental dans tous les cas, c'est quand on voit dans cette église le cœur de la paroisse. C'est le développement des paroisses, en réalité. Et les communautés dans les villes vont devenir, mais je dirais toujours au deuxième millénaire, des communautés paroissiales de plus en plus diverses, parce que on construit une église dans différents endroits de la ville pour pouvoir répondre à l'urbanisation, au développement de la population. Donc, on a du mal à percevoir ça dans la longue durée, mais on peut dire qu'à partir du XIe siècle, c'est un peu plus clair ou un peu moins opaque. En tout cas, avant le XIe siècle, l'église au sens de communauté existe déjà, mais il n'y a pas autant d'églises au sens de bâtiment. Alain Camontous. Oui, alors pour prolonger ce que vous venez de dire, à l'époque moderne, d'abord on commence à interdire les messes privées. C'est-à-dire que les messes qui sont célébrées dans la chapelle d'un seigneur, etc., pour tout accès sur l'église paroissiale. Donc, ça c'est... Donc du coup, dans les villes par exemple, on demande aux gens, en vain d'ailleurs, de ne pas assister aux messes qui sont célébrées dans les communautés monastiques par exemple. Bon. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les modernistes aussi se heurtent au même problème. C'est-à-dire, en fait, par rapport à votre question initiale de la sociabilité de la messe, il n'y a pas unanimité de la pratique, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas... On pense toujours que, en gros, pour la France, en tous les cas, avant la Révolution, tout le monde allait à la messe. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Et alors, évidemment, on peut dire, mais sur quoi vous basez-vous? Parce qu'on n'a pas de statistiques. Alors, je me suis amusé, si je puis dire, à faire des calculs, puisque les gens souvent étaient debout. On y reviendra peut-être. Voir un petit peu par rapport à la surface d'une église qui existe encore aujourd'hui et qui existait au XVIIe siècle, rapportée au nombre d'habitants, on s'aperçoit que, globalement, dans beaucoup d'endroits, au moins jusqu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, tout le monde ne peut pas y aller. Ah, ça rentre pas. Ah non, ça rentre pas. Et d'ailleurs, les évêques ne sont pas complètement dupes du système, puisque dans les statuts synodaux, on répète au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, si quelqu'un ne va pas à la messe trois fois de suite, il doit en informer son curé. Autrement dit, les statuts synodaux ne sont pas des textes théoriques, ce sont des textes qui s'appuient sur des pratiques. Autrement dit, on peut estimer qu'il n'y a pas... Alors, si la messe est un lieu de sociabilité, ce n'est pas un lieu pour l'ensemble de la population. Bah, Alain Camantous, vous êtes professeur émérite en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous nous avez rappelé que le cas du dimanche avec une première messe de bonne heure et une autre messe qui arrive un peu plus tard. D'ailleurs, pourquoi ces deux messes le dimanche? Parce qu'il fallait que, dans le monde rural, en tous les cas pas dans le monde urbain, dans le monde rural, il fallait que les travaux agricoles se poursuivent. Alors, c'est là bien le problème, puisque effectivement, on estime qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais il fallait au moins garder les bêtes. Il fallait au moins peut-être garder les domestiques, garder les personnes âgées à la maison, enfin, etc. Donc il y avait cette scission qui était aussi une scission sociale, puisque c'était la messe matutinale était réservée aux domestiques. Enfin, voilà. Ouais, ils étaient de retour à la maison pour préparer le manger pour les autres qui, eux, allaient à la maison un peu plus tard. Et ça vaut aussi en ville. C'est le même problème parce que les domestiques doivent aller aussi très tôt à la messe pour pouvoir s'occuper des affaires matérielles ensuite. Même chose. Ah oui, c'est cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Entre nos représentations de la messe, ou en tout cas ce que l'on a voulu nous imposer comme une idée de la communion, de la communauté villageoise ou urbaine, et puis après la réalité des pratiques... Alain Camantous, vous êtes l'historien du dimanche, présentation de cette journée particulière. Pour beaucoup de Français, le dimanche est le jour des gros dodos et des petits câlins. 21% d'entre vous font la grasse matinée. Sortez du lit, il est fréquent que les Français s'ennuient. 33% d'entre vous affirment ne rien faire le dimanche. Et une fois décidés à ne plus se tourner les pouces, il arrive souvent que les Français tournent les boutons de leur télévision. 50% des Français sont des téléspectateurs du dimanche. Ils regardent en général Jacques Martin, après avoir longuement hésité entre Jacques Martin. Pour essayer de gagner le temps que d'autres perdent, 20% des Français travaillent. Une récente évolution qui a le goût sulfureux du sacrilège pour les 11% de Français qui disent profiter du dimanche pour se recueillir et prier. Mais le dimanche, on s'occupe autant de son âme que de son corps et de son frigidaire. 11% des Français font du sport, 11% également font leurs courses sous le regard bienveillant des 30% qui profitent du dimanche pour jardiner ou bricoler. Le seul point commun entre ces Français qui s'ennuient, qui prient ou qui travaillent, c'est la recherche effrénée du bonheur et c'est réussi puisque 86% d'entre vous sont heureux le dimanche. Le dimanche présenté au journal télévisé, c'était sur France 2 en 1993, Alain Camantous, le dimanche, une histoire en Europe occidentale, c'est cette étude que vous avez publiée. Il y a une longue histoire du dimanche qui, et nous l'avons bien rappelé, est le moment particulier de la messe, mais il n'y a pas des messes que le dimanche. Est-ce que, malgré tout, on peut dire que peu à peu, le dimanche, ça devient un rendez-vous pour la communauté villageoise, même pour ceux qui vont rester hors de l'église, parce que tout le monde ne va pas à l'église. Oui, alors bien sûr, ça devient un rendez-vous, mais pour rebondir sur ce que disait Nicole Berriou tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'autres occasions de célébration et de réunion. Il y a énormément de fêtes qui sont d'abord des fêtes religieuses, alors qu'ils deviennent aussi des fêtes profanes, enfin, appelons-les profanes pour faire court, hein, mais et qui ont un rôle très important dans la vie de la communauté, dans la sociabilité communautaire. Où là, par exemple, je pense aux rogations, à la procession des rogations, qui dure 3 jours, qui sont des processions pour attirer le bienfait de Dieu sur les récoltes. Là, pratiquement, tout le monde y participe, hein, avec un itinéraire très particulier, et ça se termine globalement par une messe, soit une fois à la fin de chacun des 3 jours, soit au terme du 3e jour. Comment se met en place cette géographie à l'intérieur de l'église où, quand nous visitons, nous voyons alors parfois encore le banc du Seigneur et puis nous imaginons se dégrader toute la société. C'est pas une évidence ça non plus, mais déjà par le fait que tout le monde n'est pas assis. En effet, pendant des siècles, et nous en parlions tous les deux à l'instant, les gens restent debout. C'est vrai dans toute l'époque médiévale, c'est encore vrai à l'époque moderne. Et vous savez, on ne reste pas debout sans bouger pendant très longtemps, donc on circule dans l'église. Il ne faut pas du tout imaginer que les églises connaissent cette immobilité, ce recueillement qui apparaît plutôt aller de soi aujourd'hui. En fait, il faudrait comparer cela à ce qui se passe dans les célébrations des églises orientales, où la messe est longue, mais en même temps, on rentre, on sort, on bavarde, on se déplace, on fait ses dévotions devant des statues ou des icônes en Orient, peu importe. Mais disons que c'est une ambiance moins recueilli que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment capital. Donc, les gens sont debout, les gens sont souvent distraits par des conversations, et puis, quelquefois, il y a aussi, c'est aussi l'occasion de voir arriver notamment les jeunes femmes qui sont toujours vêtues de manière spéciale pour ces messes du dimanche, et dès qu'elles ont, évidemment, un peu de moyens, elles sont coquettes, elles sont, etc. Donc, vous avait aussi tout cet aspect d'aller à la messe pour y découvrir des personnes qui vont vous séduire. Et Pétrarque lui-même a rencontré pour la première fois Laure à l'occasion d'une messe et il en a été séduit et éperdument amoureux. Donc voilà, la messe est aussi un endroit où il se passe autre chose que seulement des prières à Dieu. Mais quand même, on prie. Hein. Quand même, oui, quand même, faut le rappeler. Mais il faut le rappeler. Sans dimancher, Nicole Berriou, vous êtes spécialiste de cette période qui nous conduit le 12e, 13e, 14e siècle. Ça veut dire que, voilà, sans dimancher, se préparer pour aller à la messe, c'est bien cette idée de représentation de la messe. C'est un moment où l'on se montre et où l'on observe. Absolument. Absolument. Et grâce à la prédication, qui est un peu l'équivalent de la radio aujourd'hui, c'est-à-dire que on vous raconte des tas de choses qui correspondent à ce que les gens vivent, eh bien on s'aperçoit qu'en effet, c'est une caractéristique. Par exemple, dans un sermon de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, celui qui a construit Notre-Dame, eh bien on voit qu'il taquine un peu les curés en leur disant « Le dimanche et les jours de fête, quand vous voyez arriver toute cette population dans votre église qui vient pour la messe, eh bien... c'est tous ces gens qui sont endimanchés, vous êtes très fiers d'être à la tête de cette communauté. Donc voilà, on a quand même un écho. Oui, parce qu'on comprend le sermon. Il y a aussi cette idée, et vous le disiez à Nicole Berriou, que les gens peuvent se déplacer et discuter, parce que il y a des moments où on comprend pas trop, c'est en latin et c'est un peu, mais il y a des moments où le propos est très clair. Oui. C'est quel moment? Le sermon, notamment, qui est en langue vernaculaire? Alors, juste un mot. Je trouve que Nicole Berriou a dit les choses fort justement, mais elle a probablement aussi un peu édulcoré, dans la mesure où, à l'époque moderne, en tout cas, et il y a, comment dire, une espèce d'ambiance absolument étonnante à la messe. Les gens viennent, par exemple, avec leur chien, parce qu'ils vont aller à la chasse après, ou ils viennent avec leur épervier. Il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui prisent du tabac. Et effectivement, là, le flirt est absolument développé. Hein. Il faut bien voir, même si on prie, il y a aussi tout cet élément-là. Pourquoi ? Parce que on considère pendant très longtemps que l'espace église n'est que le prolongement de l'espace quotidien. Et même, on se rend compte parfois que des gens commencent à se bagarrer le dimanche avant d'entrer dans l'église, sur le parvis, et continuent à se bagarrer dans l'église. Autrement dit, ça, il y a une espèce de phénomène tout à fait caractéristique de ce que pouvait représenter l'espace église pour les gens. Et il faudra énormément de temps pour que les autorités religieuses imposent cette dimension dite sacrée, même si cette dimension sacrée est extrêmement difficile à comprendre pour les gens, puisque on leur indique que d'un côté, il y a le cœur, qui est réservé donc aux prêtres, aux hommes, puisque parfois il y a des marguilliers qui sont là, ou des chantres, et puis la nef qui est réservée aux populations laïques. Avec le jubé, avec cette construction qui sépare à l'intérieur de l'église ces espaces. On va la supprimer. Le jubé va être supprimé après le concile de Trente, dans beaucoup d'endroits, justement pour que les gens puissent quand même voir ce qui se passe. Parce que très souvent, dans un certain nombre d'endroits, le jubé va pratiquement jusqu'au sol. Pas toujours, mais pratiquement jusqu'au sol. Oui. Donc on n'y voit rien. Comme un mur. Voilà. C'est comme un mur. Mais cette sacralisation de l'espace église, c'est passionnant de vous écouter, Alain Cabantous, c'est aussi nos représentations à nous, parce que nous sommes héritiers de cette église sacrée, où il faut murmurer, pas faire de bruit, mais dans la longue construction de l'église elle-même comme bâtiment, on sent que c'est un élément de la communauté, que la communauté peut s'approprier. Exactement, oui. Et c'est vrai, Alain Cabantous a tout à fait raison d'y insister. On pressent bien la même chose à l'époque médiévale, même si évidemment la documentation dont on dispose est assez limitée. Mais nous avons aussi les visites pastorales des évêques, qui sont plus nombreuses à partir du XIIIe siècle, parce que le grand concile général du Latran, Latran IV, a demandé que ces visites se fassent. Et donc, on a davantage de sources à partir du XIIIe qui nous montrent bien que effectivement il se passe beaucoup de choses dans les églises. Je rappellerai aussi que c'est un jour de Pâques en pleine célébration de l'office et au moment même de l'élévation qu'a été que la conjuration des Pazzi à Florence a abouti au meurtre de Julien de Médicis et en blessant son frère Laurent qui était à ce moment-là le chef de la ville de Florence. Donc c'est en plein dimanche, c'est en pleine élévation et il se passe là une conjuration. Je crois il faut mettre tout ça. C'est pas quotidien, mais je veux dire, il faut mettre tout ça en perspective pour marquer l'écart entre ce que nous croyons être la célébration de la messe et ce que ça a été en réalité. Eh bien, restons au XIIIe siècle avec un sermon. Oui, parce que c'est quoi cette messe? La métaphore, la comparaison est osée, mais elle vient d'un personnage de renom. C'est sans doute Robert de Sorbon qui a écrit ce sermon. Petit goût d'apéritif. Le repas du Seigneur est l'ultime moment de restauration, le soir. Ce qu'on appelle communément le souper. Elle est promise le soir, en effet, c'est-à-dire à la fin de cette vie. Et comme la route de cette vie est longue, et que c'est à son terme que l'on reçoit le repas du Seigneur, celui-ci permet à ses élus de déjeuner en prenant une nourriture matutinale qui est un avant-goût de ce repas, pris dans l'espérance et le désir de cette scène d'opulence. Les gens de bonne éducation ne font pas autre chose. Quand il leur faut faire attendre leurs convives, ils les font patienter en leur offrant un apéritif. Nicole Berriou, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'apéritif vient faire dans cette histoire? Alors, ce que dit Robert de Sorbon, c'est que tout chrétien se projette dans un avenir qui dépasse évidemment le moment de la mort et qui doit le conduire à la béatitude. Et la béatitude, on la conçoit comme un repas partagé dans la contemplation divine. Et donc, ce repas est véritablement repas de communion, repas de sociabilité totale, mais dans notre vie actuelle, il peut être en quelque sorte anticipé par la célébration de la messe, dont la raison principale est la consécration des espèces, du pain et du vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ, et que les fidèles doivent se partager dans ce repas commun. Alors, et c'est en ce sens que donc le prédicateur dit, attention, ce que nous vivons sur terre n'est qu'un avant-goût de ce à quoi nous tendons, de cette béatitude, de ce bonheur dont vous parliez tout à l'heure, n'arrivera donc au-delà même de la mort. Mais bien sûr, ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a donc en principe la consommation de ces espèces, pain et vin, mais dans la réalité des choses, l'histoire médiévale montre que la consommation, donc la communion, se raréfie. Et elle avait déjà lieu, je dirais, dans le premier millénaire, surtout aux grandes fêtes, donc Noël, Pâques, Pentecôte, voilà. Et en réalité, elle ne devient d'obligation qu'une fois par an. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas communier plus souvent, mais d'obligation une fois par an, à partir de, toujours de ce même concile de Latran IV, 1215. Donc, on doit faire ses Pâques, c'est-à-dire communier, mais au préalable, parce qu'on est conscient du caractère très sacré de ce geste, il faut se purifier, il faut donc se confesser. Et c'est le moment où on va articuler de manière très explicite l'obligation pour tout chrétien, s'il veut être reconnu comme un fidèle chrétien, de faire ses Pâques, c'est-à-dire de se confesser et de communier. Donc la communion n'est pas aussi fréquente qu'on pourrait l'imaginer, sauf dans certains pays d'Europe, par exemple en Bohême, à Prague, on sait que là la communion fréquente est de règle, mais presque partout en Europe, c'est une communion qui n'a lieu qu'une fois par an, pour la plupart des chrétiens, qui du coup prend une force extraordinaire ce jour-là, et qui se prépare avec donc la confession. Et le reste du temps, ce qui est important, c'est pas la communion, mais c'est de faire un acte de foi en voyant, en regardant les espèces consacrées. Et pour ça, on a inventé un geste dans la messe qui apparaît au XIIIe siècle, là aussi, tout est coordonné, et qui est le geste de l'élévation. C'est-à-dire que l'hostie et le calice sont entre les mains du prêtre et sont élevés pour que tout le monde voit Dieu, comme on dit. C'était l'expression qu'on employait. Mais ce qui veut dire aussi qu'un objet est inventé pour cela. C'est pour élever l'hostie, c'est l'objet liturgique, c'est l'ostensoir. Alors, l'ostensoir, il existe, mais parallèlement dans les processions. Parce que non seulement on élève l'hostie à ce moment-là, mais on garde les hosties consacrées. Et comme le disait Alain Camantou, c'est très important aussi, les processions sortent de l'église, bien sûr, et elles ont lieu dans beaucoup de circonstances. Il parlait d'érogation. Mais la grande procession de la fin du Moyen-Âge, qui est liée à cette dévotion à l'Eucharistie, c'est la procession de la fête Dieu. La fête Dieu qui a duré pendant des siècles. Quand j'étais enfant, il y avait encore des grandes processions de la fête Dieu en Bretagne et les petites filles jetaient des pétales de roses par terre à cette occasion-là, au mois de mai. Dès que quelqu'un dit en Bretagne, on dit c'était où en Bretagne ? Saint-Paul-de-Léon. Ben voilà. L'évocation de la communion, de l'Eucharistie, ce moment pendant la messe où le prêtre, le pain, le vin qui devient le corps, le sang du Christ. C'est vrai que c'est l'idée de la communion, c'est le nom de communion. La communauté se réunit. Mais on entend bien que ce n'était pas la communion systématique comme cela s'est imposé au XXe siècle particulièrement. C'est ça. Alors, c'est quand même la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme est basé, entre autres, sur la notion de repas. C'est un repas. C'est un repas. Et la dernière scène est caractéristique de ce phénomène. Et c'est, en fait, la messe est un renouvellement de la scène, d'une autre manière, bien sûr. Et la contradiction vient du fait que les gens ne communient pas. Je souscris parfaitement à ce que dit Nicole Berriou, d'autant plus que à l'époque moderne arrive le jansénisme à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et ce jansénisme-là qui va beaucoup marquer, beaucoup plus l'Église de France d'ailleurs, l'Église en France ou l'Église des, ce qu'on appelait des Pays-Bas, de la Belgique actuelle, par rapport à l'Espagne ou à l'Italie par exemple, le jansénisme va insister sur la difficulté à communier. Nul n'est habilité à communier. Nul n'est assez pur pour communier, même s'il se confesse. Donc, le grand Arnaud a écrit un ouvrage de la fréquente communion qui a eu un rôle fondamental en disant, il faut communier le moins possible. Alors, évidemment, communier le jour de Pâques, c'est sûr, mais les autres fois, c'est quasiment impossible. Alors, de ce fait, c'est ça la contradiction. La messe est le lieu d'une forme de sociabilité, je dirais, de sociabilité sociale ou culturelle, mais pas forcément de sociabilité cultuelle dans la mesure où on ne communie pas. Ah oui, c'est ce paradoxe sans nom. Oui. Alors, j'ajouterais quand même que ils sont très conscients de cette difficulté et que ils ont en même temps le souci de donner du sens à ce qu'on fait à la messe. Et donc, le moment de l'élévation, c'est le moment où on encourage les gens à une communion spirituelle. C'est-à-dire, en fait, à travers l'acte de foi qui consiste à dire « je crois que sous ces espèces est véritablement le Christ qui est présent, comme il nous l'a promis jusqu'à la fin des temps dans le monde », eh bien, à travers cela, donc, il y a quand même un substitut, si l'on peut dire, qui est également explicité avec tout un développement sur le goût spirituel. Donc, on garde l'idée du repas à travers l'idée que cet acte de foi a une valeur, il vous rend meilleur, il vous fait changer, et la notion de goût est extrêmement importante, ce qui est très paradoxal, puisqu'on ne consomme pas les espèces. Donc, on voit bien aussi que, de ce fait, on va insister sur l'expérience individuelle de chaque personne qui va ainsi regarder avec foi les espèces, mais en même temps, tout le monde fait le geste au même moment. C'est-à-dire que le moment de l'élévation va concentrer, c'est pas quelque chose qui va se passer à un moment de la messe, c'est l'élévation qui, du coup, donc, prend un sens extraordinaire, parce que, à tel point même que, après l'élévation, il y a des gens qui considèrent que la messe est finie et qui s'en vont. Ah oui, alors que non, c'est pas fini. Ah ben non, c'est pas fini. Et puis, il reste peut-être ce qui est le plus important, Alain Camontous. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a... Ce qui est aussi de très important, me semble-t-il, et ce qui se passe après le Concile de Trente, c'est que les évêques vont demander aux prêtres de signifier un certain nombre de gestes pour les gens. C'est-à-dire se mettre debout, se mettre à genoux, s'asseoir, même par terre, dans la mesure où, effectivement, même là on a des textes, au moment de l'élévation, il y a des gens qui restent debout, il y a des gens qui s'agenouillent, il y a des gens qui restent couchés, par exemple, sur la paille, puisqu'on avait, mis de la paille sur le sol. Et donc, à partir de la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, c'est très très variable suivant les diocèses, il y a une espèce de discipline du corps, de façon à créer une forme de communion. Tout le monde doit se lever au moment de l'évangile, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et les évêques les plus jansénistes, par exemple, je pense à Colet, dans le sud de la France, évoquent 13 formes d'attitude au moment de la messe. Religion du corps. Voilà, la religion du corps, c'est-à-dire qu'on se lève, on s'assoit, on s'agenouille, voilà. Et puis on se couche pas, surtout. On se couche pas, non, et on dit la même chose au même moment, c'est-à-dire que la manière dont doit se tenir la personne correspond à quelque chose qu'il doit dire au bon moment, mais c'est long à mettre en place, sont des processus très complexes. Très long, puisque on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIIe siècle, des prêtres sont absolument catastrophés en disant « je n'arrive pas à discipliner mes ouailles qui font un peu n'importe quoi ». En revanche, ce qui est d'emblée, je dirais, admis et vécu par tous, c'est ce simple geste de tourner les yeux vers ce qui est élevé, et donc en même temps que l'on voit Dieu, on dit « je crois » en quelque sorte. Voilà. Et alors ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on évoquait tout à l'heure la présence des fidèles dans l'Église, et on voit dans les visites pastorales et dans les sermons que il est assez fréquent de constater qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et que les hommes sont dehors, comme d'ailleurs ça a duré, on le voit encore dans certains films, ils sont dehors, ou ils sont à la taverne, mais le moment de l'élévation est très important, parce que on sonne une cloche au moment de l'élévation, et à ce moment-là, disent certains réformateurs, on voit les hommes entrer comme un troupeau dans l'église pour voir Dieu, et puis ils sortent après. C'est un peu caricatural, mais c'est peut-être pas tout à fait faux. Ils ont vu Dieu, voilà. Ils ont vu Dieu. C'est l'utilité de la petite cloche au moment de l'élévation. Voire même la cloche du clocher. Ah, ça peut être la cloche du clocher aussi. Oui, c'est ça, pour rappeler les gens qui sont à la taverne, effectivement. Et le résidu de ça, c'est qu'effectivement, progressivement, il y a eu la petite clochette au moment de l'élévation, mais qui était uniquement qui résonnait uniquement dans l'église. Hein. Ouais. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la messe, où tout le monde discute. Il y a ces messes basses en parallèle avec la question de savoir si ce temps de la messe est réellement un temps de convivialité. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. un peu de plein chant. Nous sommes à Paris, 17e, 18e siècle. C'est la messe du jour de Noël par l'ensemble Organum. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holweck avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Alors, ce moment de la communauté doit nous permettre de savoir qui se trouve dans l'église et qui ne l'est pas. Parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, tout le monde n'est pas dans l'église. Déjà, on pourrait rappeler qui ne peut pas en soi entrer dans l'église parce que sa condition, parce que son métier l'en empêche. Qui est exclu de la communauté, qui ne peut pas aller à la messe? Les usuriers. Déjà. Bon, de toute façon, ils n'en ont pas envie parce qu'ils savent que s'ils viennent à la messe et au moment du sermon, ils vont être pris à partie par le prédicateur qui rappellera qu'ils vivent dans le péché, un des péchés les plus graves qui est justement un péché lié à l'argent, les prostituées. Mais c'est compliqué pour les prostituées parce qu'on sait aussi qu'il y a eu un grand débat à Paris justement à propos de la cathédrale de Notre-Dame à l'intérieur du chapitre et face à l'évêque pour savoir si les prostituées avaient le droit d'offrir des vitraux. Et le chef des écoles de Notre-Dame de l'époque, Pierre Le Chantre, a défendu, et plusieurs successeurs après lui, ont défendu l'idée qu'elles faisaient un travail pour lequel elles gagnaient de l'argent et qu'elles avaient le droit de disposer de cet argent. Donc c'est complexe, vous voyez, parce que le lieu même, même si la cathédrale c'est plutôt l'église du diocèse que l'église, c'est pas une paroisse, c'est différent, mais malgré tout, ce lieu sacré est ouvert à tous et là, bon, les prostituées ont le droit de, ont le droit d'offrir comme les autres. Mais je dirais en règle générale, en tout cas, ceux qui n'ont pas le droit d'entrer, c'est ceux qui ont été mis en dehors de la communauté à la suite d'actes répréhensibles, de péchés, surtout de péchés graves, et ce sont donc les excommuniés. Ah oui, c'est littéralement le sens du mot excommunié. C'est le sens mis en dehors de la communion. Oui, alors, il y a d'autres, enfin, en tout cas à l'époque moderne, on, un certain nombre de statuts synodaux indiquent que les mendiants ne doivent pas rester dans l'église. Pourquoi ? Parce que les mendiants profitent de l'ambiance pour circuler et pour demander l'aumône. Donc on tente de les exclure. Dans d'autres statuts synodaux, on a dit que les enfants, les petits-enfants qui font du bruit, enfin, comme si les autres n'en faisaient pas d'ailleurs, les petits-enfants sont aussi exclus. Mais ça, c'est très variable, parce que une fois de plus, ça, c'est le prescrit, et puis il y a le vécu. Par rapport aux gens excommuniés, je fais une toute petite incise, parce que on parle là de la messe, donc de la messe catholique, mais on pourrait aussi parler des offices protestants qui fonctionnent à peu près de la même façon. Et dans un certain nombre d'églises protestantes, je pense par exemple aux presbytériens, les gens qui sont condamnés par le consistoire, pendant de ne pas théoriquement assister à l'office pendant un ou deux ou trois dimanches, ne sont pas exclus. Ils sont mis au pied de la chaire, ils sont assis au pied de la chaire de façon à ce que tout le monde voit qui a été condamné. Autrement dit, là, on a une forme d'exclusion, je dirais inclusive, si je puis dire, qui est assez difficile hein, pour les gens. Alors que dans le monde catholique, effectivement, quelqu'un qui est excommunié, qui peut être excommunié à vie, il peut être excommunié pour quelques semaines, quelques mois, lui, il n'a pas le droit d'entrer. Alors, nous avons mis de côté ceux, celles qui ne peuvent pas entrer dans l'Église. Et alors, parmi les autres, peut-on dire qu'on a une image de la société qui va alors du Seigneur jusqu'au plus modeste d'une communauté ? En principe, oui, à l'exclusion, justement, comme on le disait tout à l'heure, des serviteurs et des servantes qui viennent à d'autres messes. Mais autrement, oui, on a les différentes catégories sociales. Certains ont des places assignées comme les seigneurs dans l'église de village, par exemple. Mais sinon, donc, c'est une population mêlée. Je pense qu'on peut dire qu'il est vrai que les femmes y viennent plus volontiers que les hommes. Ça, je crois qu'on peut le dire. Sauf, justement, au moment de l'élévation où, finalement... Bon. Alors, on a le cas aussi d'histoires dans lesquelles on voit que la dévotion des hommes est forte. Par exemple, un messager qui va transporter un courrier loin de l'endroit d'où il part s'arrête en route pour suivre la messe et pour voir Dieu. C'est toujours cette même idée. Il faut voir aussi que derrière cela, il y a la conviction que celui qui a vu Dieu dans la journée ne peut pas mourir de mort subite. Donc, bien sûr, c'est important. Alors, à l'intérieur de l'Église, je pense qu'on peut dire en effet que toutes les catégories sont présentes. On n'a pas au Moyen-Âge cette distinction des mendiants, des enfants. Enfin, au contraire, on essaye de faire en sorte que les enfants y participent parce que c'est une habitude qu'ils prennent. Et ils apprennent de la sorte à réciter des prières fondamentales. C'est important aussi parce que dans ces messes, qui sont généralement célébrées dans une langue qui n'est pas familière aux gens, en latin pendant toute la période médiévale, en tout cas, y a quelques moments dans la messe où on peut quand même participer plus directement. Alors, quelquefois en latin, dans les pays qui sont quand même, disons, de tradition liée à la latinité, comme l'Italie, la France, l'Espagne, on dit par exemple le pater en latin. Mais en Angleterre et en Allemagne, on s'est habitué très vite à le dire en langue vernaculaire. Donc le moment de récitation du pater est aussi un moment de convivialité. Même si c'est en latin, le Notre Père si récité en latin. Et puis alors, il y a une prière dont je laisserai parler à la Cabantous, qui est très très importante déjà au Moyen-Âge, qui est la prière universelle, qu'on appelle la prière du prône, et qui est en langue vernaculaire. Alors, qu'est-ce que cette prière du prône ? Alors, le prône, c'est à la fois une prière et autre chose qu'une prière. C'est une espèce d'instruction globale, une instruction chrétienne et une instruction sociale. Je m'explique. Le prône dure à peu près une vingtaine de minutes. Ce n'est pas un sermon. Ça n'a rien à voir avec un sermon, et là, je parle sous contrôle. C'est d'abord, au moins au XVIIe siècle, la répétition des prières fondamentales. Alors, le Notre Père, là, en français, le « Je vous salue Marie », le Credo, l'acte de contrition, etc. Au XVIIe siècle, pratiquement tous les dimanches, on demande aux gens de le répéter. Et puis après, au XVIIIe, on le répète moins parce que bon, c'est entré dans les mœurs, si je puis dire. Et puis ensuite, il y a, alors, ce que Nicole Berrou appelle la prière universelle, on prie pour... Alors là, il y a une hiérarchisation à la fois ecclésiale et sociale. On prie pour le pape, on prie pour le roi, on prie pour l'évêque, on prie pour le seigneur au justicier, puis les autres seigneurs, enfin, etc. Bon, bref. Et enfin, il y a des annonces. Les annonces de la paroisse. Alors, c'est pas seulement les annonces concernant les bans de mariage ou concernant les enterrements qui vont avoir lieu, les messes de sépulture, par exemple, mais aussi les baux pour les terres qui sont à vendre, pour les enchères, les constructions qu'on va faire dans l'église ou dans le cimetière, etc. Donc, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Je me suis amusé à lire le prône de la... qui est imprimé pour le diocèse de Grenoble à la fin du XVIIe siècle, ça dure à peu près une grosse vingtaine de minutes en parlant très vite. Hein. Donc voilà, ça allonge les choses de la messe, mais ça participe là, du coup, effectivement, le prône participe de la sociabilité que peut représenter la messe. Mais on voit bien que c'est un élément qui est à la fois, je dirais... religieux et non religieux, religieux et social, voilà. Ah bah oui, parce que il y a des histoires de terres à louer, les baux, etc. C'est très intéressant de voir cela à cette fin de messe, on va dire. Il y a même un curé du Poitou qui est spécialisé à la fin du XVIIIe siècle. Il indique les progrès agricoles qui peuvent exister pour que les paysans puissent les utiliser. Donc, chaque dimanche, il indique, ou pas forcément chaque dimanche, mais régulièrement, il indique au moment du prône qu'on va pouvoir utiliser telle semence, on va pouvoir utiliser tel engrais, etc., etc. Ah oui, diffuser l'information. Alors, et ça, c'est une tradition qui est attestée depuis fort longtemps parce que, enfin, moi, j'en connais des traces dès le XIIe siècle. Donc, d'une certaine façon, c'est un moment fort pour la communauté. Et je crois que, dans ce que décrivait Alain Cabantous, on voit aussi que, finalement, ce vers quoi tendent les clercs pour l'éducation des laïcs consiste à un minimum d'instruction religieuse à travers l'apprentissage des prières fondamentales, etc., des sacrements, comme par exemple pour les bancs de mariage, alors qu'à l'époque médiévale, on a, à un moment donné, essayé de faire un peu plus en promouvant la prédication, mais il faut bien dire que que la prédication qui devient régulière, elle l'est essentiellement dans les villes. Dans le monde rural, c'est pas possible, sauf cas d'espèce. Par exemple, Yves de Trier, Saint-Yves, qui était un grand spécialiste de la justice, qui a donc été lui-même juge, a fini sa vie comme curé de paroisse. Et là, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui savait prêcher, mais c'était l'exception. Donc, en règle générale, c'est vraiment en ville qu'on a réussi à développer le sermon comme élément d'instruction religieuse. Et pour le reste, c'est le prône qui a fait office de moment d'éducation de la communauté rassemblée. Hebdomadaire en plus. Hebdomadaire. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans les séminaires au XVIIIe siècle, on indique aux futurs prêtres la chose suivante. Si le prône est vraiment trop long, ne faites pas d'instruction. En gros, ne faites pas même de sermon. C'est pas la peine. Les gens vont se lasser. Et effectivement, ça se vide à ce moment-là. Et on revient souvent, d'ailleurs, après la communion, vous avez raison. Après l'élévation, vous avez raison. Les gens peuvent repartir, mais au moment du prône, ils reviennent parce que évidemment, il y a des instructions qui sont des instructions qui concernent la communauté elle-même, mais la communauté sociale. Ah oui, il y a un va-et-vient. C'est-à-dire que il y en a qui sont dehors au moment de l'élévation. Vite, on rentre pour voir Dieu, on ressort et on revient pour le prône. À l'époque médiévale, quand même, d'après ce que je comprends, les prières du prône et le prône lui-même peuvent prendre place au moment des prières de l'offertoire, c'est-à-dire la messe, si vous voulez, elle est coupée en trois grands moments. Il y a le moment où on va lire les grands textes de l'Épître et de l'Évangile, tirés donc du Nouveau Testament. Après, il y a la préparation des espèces et puis jusqu'à la consécration, donc ce qu'on appelle l'offertoire et la consécration. Et puis après, il y a éventuellement la communion, ou en tout cas, toutes les prières finales, le pater, etc. Eh bien, au Moyen-Âge, on voit que les prières du prône, elles se situent au moment dans la deuxième partie, avant la consécration, au moment de l'offertoire. Donc, ça permet aussi d'entretenir un certain dialogue avec les gens. Alors, il peut y avoir un sermon et les prières du prône. Et puis ensuite, donc, on a même la preuve à Paris que la prière universelle suit immédiatement le sermon. Voyez. Et après, donc, on va avoir la consécration. Puis après, les gens, effectivement, restent ou sortent. Oui, c'est très variable. Effectivement, souvent, le prône a lieu au moment de l'offertoire. Avant ou après l'histoire du pain béni, je ne sais pas si on en parlera, mais et parfois ça a lieu à la fin. Donc voilà, c'est aussi en fonction de ce que le curé veut bien faire. Enfin, c'est très variable. Et c'est pour ça que pour l'historien, faut jouer sur des pistes très fines. C'est quoi cette histoire de pain béni ? Alors, l'histoire du pain béni, ça aussi, c'est un élément qui peut participer de la sociabilité. C'est-à-dire que au moment de l'offertoire, et dans certains textes épiscopaux, on dit l'offertoire appartient aux laïcs. L'offertoire appartient aux laïcs. Mais c'est assez rare, de dire bon. Mais donc au moment de l'offertoire, il y a une famille par dimanche qui offre du pain. Et qu'on appelle le pain béni parce que le prêtre a béni ce pain. Et donc, on offre le pain, on rompt le pain, on le coupe pain, on le rompt, et on le distribue aux gens, mais en fonction de leur rang social. Une fois de plus, il y a à la fois la communion, là, au sens, je dirais, à la fois spirituel et social, mais en même temps, un respect de la hiérarchie. Et on commence par le seigneur ou justicier, s'il y en a un, puis les seigneurs secondaires, le prêtre évidemment qui en prend, puis ensuite on le distribue aux gens qui restent à leur place, enfin à leur place là où ils sont. Et voilà, ça c'est un élément qui a d'ailleurs duré assez longtemps. Je sais que jusque dans les années 1950, il y avait... Alors, on distribuait pas le pain béni, mais le prêtre disait « Le pain béni cette semaine est offert par la famille untel. » Et c'est lui qui gardait le pain. Ah, ben voilà. Voilà. Mais c'est donc autre chose que la communion au sens où l'hostie transformée en corps du Christ. Ça n'a pas de rapport. Mais initialement, en quelque sorte, c'est un reliquat de des offrandes qui étaient faites au tout début de l'histoire du christianisme par les fidèles et qui servaient à la consécration des espèces. Donc ensuite, alors ça a glissé. On a distingué les deux. D'ailleurs, c'était plus du pain comme on l'imagine qui servait à la consécration, mais petit à petit, ça a été du pain azim en forme d'hostie. Donc c'est devenu quelque chose de réservé à la préparation par le clergé ou par les moines. Et en revanche, on a gardé l'idée quand même d'une offrande, d'où le mot d'offertoire et d'où le fait que l'offertoire soit tout laïque. Hein, c'est, les gens participent en offrant quelque chose. Et pendant toute la période médiévale, on voit aussi cette affaire de pain béni, ce qu'on appelle aussi les eulogies, enfin, qui sont distribués à la fin de la messe. Avec, dans cette histoire de la messe, quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier, c'est celui qui sonne les cloches. La Tour-sur-Tinée, c'est un petit village perché à 900 mètres dans l'arrière-pays niçois. Un village sans histoire, sauf les siennes. Et pourtant, la tour est remarquable. Par son site, son cadre figé par le temps, son curé, un pasteur non-conformiste, et enfin par ce vieillard. Un sonneur de cloche dont l'art est en voie de disparition. Quel âge vous avez ? Oh, 80. Vous avez commencé à quel âge ? Oh, 15 ans. Ah ben, ça fait 60 ou 65 ans. Oui. C'est un peu un fief, c'est celui qui s'occupe de l'horloge, celui qui s'occupe de la cloche. Il vient voir l'heure de l'office et puis il vient sonner. Voilà. Et je suis sûr que c'est fait d'une manière extrêmement consciencieuse, rigoureuse. Et voilà le sonneur heureux qui prend son chorus comme un batteur de jazz. Un sonneur aussi indispensable à ses concitoyens que les harmonies triomphales de sa cloche. Un sonneur de cloche présenté en 1961 avec ici, d'ailleurs l'occasion de faire un clin d'œil à l'historien Alain Corbin, hein, c'est oui. L'historien des cloches, les cloches de la terre, et on comprend bien avec tout ce que vous nous avez raconté peu à peu la nécessité de construire un bâtiment qui est une église, la nécessité d'avoir un clocher, d'avoir une cloche pour appeler, ce rythme de la communauté en fait qui se réunit. Nécessite beaucoup de nuances, hein, à vous écouter l'un et l'autre, c'est ça aussi, sur la convivialité, une convivialité à nuancer au moment de la messe. Alain Cabantous. Oui, parce que d'un côté, comme je pense l'un et l'autre nous l'avons montré, la messe c'est le lieu et le moment d'une convivialité et d'une communauté, ça c'est clair. Et le rite joue un rôle important hein, dans la construction de ce phénomène. Et puis inversement, c'est aussi le lieu et le moment d'une sociabilité en creux, si je puis dire, puisque on a des distinctions spatiales. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a quand même dans cette espèce de hall de gare que représente l'Église à ce moment-là, malgré tout, on essaye de distinguer les hommes des femmes. C'est-à-dire qu'on met les hommes du côté de l'Évangile, les femmes du côté de l'Épître, ou bien les hommes devant, les femmes derrière, ou bien les hommes en haut, les femmes en bas. Il y a donc un élément spatial là, de distinction sociale qui coupe un petit peu la communauté. Et puis il y a les exclusions dont on parlait tout à l'heure, qui ne participent pas aussi de ce phénomène-là. Et enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des formes profanes de la sociabilité religieuse dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tous ces éléments-là, et probablement d'autres encore, font que c'est vrai que si la messe est un lieu de sociabilité, en plein, c'est aussi un lieu de sociabilité en creux. En creux, et puis il y a une sociabilité malgré tout très normée, la séparation genrée, les femmes et les hommes d'un côté, ceux, celles qui ne peuvent pas entrer dans l'église, fait Nicole Berriou qu'on a un moment particulier, effectivement, dans la vie d'une communauté, qu'elle soit urbaine ou villageoise, mais qui n'est quand même pas un lieu de rencontre, au sens où le Seigneur qui est là demeure malgré tout le Seigneur. Il est peut-être un peu plus proche physiquement pendant le temps de la cérémonie, de l'office. Oui, probablement. Là, on est surtout dans le monde rural. Je crois qu'il faut garder bien en tête aussi qu'il y a une distinction forte qui est sociologiquement fondamentale entre le monde rural et le monde urbain. Et dans le monde urbain, il faut même rajouter encore à tout ce que nous avons dit une particularité qui est que les églises qui assurent donc ce tissu de communauté, à côté des églises paroissiales qui se multiplient au cours du Moyen-Âge, avec l'urbanisation, donc disons à partir du XIIe siècle, à côté, il y a de nouvelles églises qui s'installent en plein tissu urbain, qui sont les églises des frères mendiants, les frères dominicains, les franciscains, qui se mettent en place au XIIIe siècle et dont le succès prodigieux en ville est lié au fait que ce sont avant tout des hommes qui prêchent et des hommes qui encadrent la population, surtout la population un peu plus exigeante du point de vue religieux, par un dialogue avec examen de conscience, avec direction de conscience, avec, et également dans les cours. Donc ils ont un rôle qui est de plus en plus important et ils créent une réalité nouvelle qui est un polycentrisme dans les villes où, au fond, les gens vont avoir tendance à aller là où ils se sentent bien spirituellement. Et ça pose des problèmes. Et on essaye de garder l'idée que donc la communauté de la paroisse est quand même la communauté première. Par exemple, ça se voit dans les testaments où on oriente les gens vers des donations qui sont faites quand même à l'église paroissiale, qui sont de droit. Mais on voit bien quand même qu'il y a là des concurrences qui se créent et une complexité tout à fait neuve qui va mener au temps moderne, je pense. Oui, hein, c'est... alors à ceci près, c'est que je souscris parfaitement à ce que vous dites. Hein, c'est tout à fait valide encore jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on se rend compte que l'attraction pour, je dirais, les messes célébrées avec les ordres mendiants diminue. On le voit dans les testaments, Michel Vauvel l'a bien montré en Provence, où on voit que les donations pour les ordres mendiants ou pour les ordres conventuels diminuent considérablement. Pour les ordres mendiants, pour les dominicains notamment, Nicole Berriou, je renvoie à vos ouvrages, hein, enfin, en tout cas, tous ces textes que vous avez traduits, annotés, présentés avec Bernard Odel, Saint-Dominique et l'Ordre des Frères Prêcheurs, où, et on retrouvera sur le site le cours de l'histoire franceculture.fr, vos travaux sur la religion, la communication, et pour aller plus loin, Alain Cabantous, il y a cette histoire de la petite église en France, mais là, ça nous conduit sur la période suivante, j'ai envie de dire, le 19e et jusqu'au 21e siècle, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, votre histoire du dimanche. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir présenté ce qu'est ce moment de messe avec une lecture sociale un peu plus complexe que de la simple convivialité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment Napoléon III a-t-il décrété ce que devait être la poésie populaire ? Le 13 septembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte ordonna par décret la publication d'un recueil général des poésies populaires de la France. Le terme de poésie englobant aussi l'univers de la chanson. Le projet fut poursuivi tout au long du Second Empire pour finalement s'achever sous la Troisième République. Pendant longtemps, on a vu dans cette entreprise le prolongement des initiatives qui avaient pris naissance au début du XIXe siècle, sous l'impulsion de l'Académie celtique et des écrivains romantiques comme Gérard de Nerval ou Georges Sand. Mais aujourd'hui, les historiens pensent plutôt que ce fut une étape décisive dans l'histoire de l'appropriation savante des musiques non écrites. Étant donné que le but poursuivi par les initiateurs de ce recueil était d'élever un vaste monument à la gloire littéraire de la nation française, la définition de ce qu'on appelait alors la poésie populaire, par opposition à la grande littérature, fut un enjeu essentiel pour les élites en charge du projet. Celui-ci fut lancé au début de l'année 1852, dans un contexte politique particulièrement agité. Après la répression de la Révolution de 1848 et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851, l'état de siège avait été décrété pour réprimer les nombreux soulèvements survenus dans toute la France. Le nouveau pouvoir craignait tout particulièrement le rôle subversif que jouait la chanson lors des révoltes populaires. Il n'avait pas oublié que la production chansonnière avait atteint son paroxysme juste après les journées révolutionnaires de février 1848. Dans ce contexte, la décision de recueillir les diverses formes de poésie populaire peut être vue comme une stratégie politique visant à réconcilier le pouvoir impérial avec les classes populaires. Le critère principal qui fut retenu pour définir les œuvres considérées comme populaires fut celui de leur ancienneté. L'analyse du lexique employé dans les instructions officielles révèle l'omniprésence de termes comme « antique »,« tradition », »,« vestige », »,« primitif ». Les instituteurs, qui jouèrent un rôle de premier plan dans la collecte de ces poésies populaires, furent incités à recueillir les souvenirs des populations agricoles où les vieilles traditions se perpétuent si facilement. Au final, cette enquête contribua fortement à définir un style populaire réduit à trois grands traits. Le naïf, le simple et le rustique. Bien que les instructions aient incité les enquêteurs à ne pas exclure les idiomes et les patois, elles exigèrent néanmoins que toutes les chansons collectées soient traduites en français. Avant même l'avènement de la Troisième République, le monolinguisme était donc devenu la norme d'un État national en voie d'achèvement. L'objectif principal de cette vaste enquête sur la poésie populaire fut d'élaborer un répertoire officiel de chants nationaux afin de contribuer à l'unification politique et culturelle du pays. Au XIXe siècle, dans tous les pays d'Europe, les élites cultivées jouèrent un rôle essentiel dans le recueil et la codification des traditions populaires. L'originalité du cas français tient dans l'implication directe d'un appareil d'État aux ordres du pouvoir central. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.